Le représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a envoyé le 5 janvier une lettre au secrétaire général de l'ONU pour exprimer son opinion au sujet de la lettre de réponse adressée par le secrétaire général adjoint chargé du problème politique au nom de l'ancien secrétaire général. Il a écrit « La lettre du secrétariat de l'ONU ne répond pas à notre question, à savoir quels sont les fondements juridiques des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité face aux essais nucléaires et au lancement des satellites à des fins pacifiques de la République populaire démocratique de Corée. » Dans la lettre adressée à l'ancien secrétaire général le 23 mai et le 5 décembre 2016, nous avons exigé de nous apprendre quel droit international contient un article qui stipule qu'un essai nucléaire, un lancement de satellites et de fusées balistiques menace la paix et la sécurité internationale. Mais le secrétariat a envoyé la lettre qui ne dit aucun mot à notre question et qui ne cite que l'article 39 de la clause 7 de la charte de l'ONU. Cet article ne peut pas devenir le fondement juridique de la résolution de sanctions comme il a été déjà traité par le milieu juridique international. Même les élaborateurs de la charte de l'ONU ont défini nettement que l'article en question est destiné à une invasion armée, mais non à une sanction en temps de paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée et inscrit sur la liste de sanctions jusqu'aux fusils, balles, arcs et flèches de sport, sans rester à exercer la sanction de type embargo, ce qui est un acte contre l'humanité et la civilisation qui menace sérieusement le droit de notre peuple à l'existence, détruit la civilisation contemporaine et vise à retourner le monde au Moyen-Âge. Notre essai de la bombe à hydrogène, l'essai d'explosion de notre ogive nucléaire et le lancement d'essais de nos moyens d'attaque comme la fusée balistique intercontinentale sont la mesure d'autodéfense pour posséder la dissuasion permettant de balayer les foyers de provocation au cas où les forces hostiles portent atteinte à la souveraineté et au droit à l'existence de la République populaire démocratique de Corée, voire l'exercice du droit légitime énoncé dans la charte de l'ONU. Le secrétariat de l'ONU devrait bien réfléchir pour répondre à notre question et donner une réponse juste conformément à la mission de l'ONU, dont l'essentiel est l'assurance de la paix et de la sécurité internationale, pour remplir toute sa responsabilité devant la société internationale.